Ils me plaisantent et ils entendent. Moitié sorcière, moitié ivrogne. Je jette un sort à tout ce qui chante. Dans mon métier, c'est en automne qu'on cueille les pommes et les noyers. Ce n'est pas rien d'être un éclosier. Le chou transpire, le feu rouge. Dans mon métier, c'est en hiver qu'on pense au père qui s'est noyé. Ce n'est pas un éclusier. Vers le printemps, les marinières font des manières de leur chaland. J'aimerais leur jeu. Cette guerre qui m'a un peu trop abîmée. Dans mon métier, c'est au printemps qu'on prend le temps de se noyer. Ce n'est pas rien d'être un éclusier. Ce n'est pas rien d'être un éclusier. Des imbéciles où l'immobilier est le plus vieux. Dans mon métier, même en été, faut voyager les yeux fermés. Ce n'est pas rien d'être un éclusier. Les marinières, ça vaut pas trop. Ils me plaisantent et ils entendent. Moitié sorcier, moitié ivre, je jette un sort à tout ce qui change. Dans mon métier, c'est en automne qu'on cueille les pommes et les noyer. Ce n'est pas rien d'être un éclusier. Dans son panier, un enfant louche. Le temps soupire, le chou transpire, le feu ronronne. Dans mon métier, c'est en hiver qu'on pense au père qui s'est noyé. Ce n'est pas rien d'être un éclusier. Ce n'est pas rien. Le printemps, les marins font des lignes de leur chaleur. J'aimerais leur jeu sans cette guerre qui m'a un peu trop abîmée. Angst. Ne me lâche pas, là. Lorelai, Lorelai, ne me lâche pas, je suis venue. De tira tira ta. La la la la la la. Don't be afraid, we got a doctor here. Something you will like to play. Putain, attends, c'est une mauvaise qualité. Lorelai, Lorelai, je vais au bout du monde. Lorelai, ne me laisse pas. Du, du, du, du, du, du, du. Hey, listen to this. This is very cool. Sharon likes kind of Ruby Bastion from Germany, JJJ. Lorelai, Lorelai, la la la la la la, da da da da da da. Private. Doc. J'irai au bout du monde. Ta-da-da-da-da-da.